Je parle de nous, de toi, si t'es dans la brume comme moi. Je parle de la peine, de la solitude, de la gêne que je ressens quand je passe à côté d'un sans-abri à la traîne. Depuis que la vie m'a dépassé, l'ami à la chaîne. Je vois tes potes qui taffent pour rien, je reçois le minimum vital. À la fin du mois, sont à la même place que moi, que dalle. Je parle des morts, des torts, des tortures morales. Oh, je râle parce que ma seule force, c'est l'oral. Total, mon fond du gouffre, je parle des difficultés, du manque de thunes et de simplicité, des atrocités. J'en parle aussi assez, si tu veux du sang, j'en ai. Des bidons, des seaux, tellement que je pourrais t'y noyer dedans. Je parle des oubliés, handicapés, malades, graves, sous les orages, les soldats courage. Mais je parle aussi des tox, la cam et ses rouages, et de tous les prisonniers du 10 ans d'âge. Et c'est mieux d'en parler que de me taire, mieux le dire que de mentir, pas trop tard. Rejette le somnifère, mieux résister que de m'y faire, le trou mieux en sortir que de m'y taire. La liberté ici a comme un coup de mitard, mieux en parler que de me taire, mieux le dire que de mentir, pas trop tard. Rejette le somnifère, mieux résister que de m'y faire, le trou mieux en sortir que de mitaire. La liberté ici a comme un coup de mitard. Et je parle des fous, du roi, je les dénonce, mais rien. Comme quoi, après la parole, faut des actes, sinon c'est le commun. Je parle des sereins qui se vident, des caisses qui se remplissent, les mauvais, avides de pouvoir, les bons qui périssent. Je parle des enflures qui frappent leurs meufs, mais aussi de toutes ces pétasses, ces salopes qui font du bluff. Je parle des opprimés, et pour les muets, ceux qui ne peuvent pas moralement enfermer. Les yeux horriblement cernés, je le dis et je me sens concerné. Et pour moi c'est le trou noir, je peux parler aussi de ma mort, mais pas de quoi s'émouvoir. J'ai vu celle des miens, et à la longue, y'aura de toute façon quelques enfoirés pour cracher sur ma tombe. Même si je parle de la douleur, ça fait du bien de le dire. C'est paradoxal, mais ça fait du bien de l'écrire. Et c'est certain, quand j'aurai plus rien à raconter, je la fermerai, pas comme certains. C'est mieux d'en parler que de me taire, mieux le dire que de mentir, pas trop tard. Rejette le somnifère, mieux résister que de m'y faire, le trou mieux en sortir que de m'y taire. La liberté ici a comme un coup de mitard, mieux en parler que de me taire, mieux le dire que de mentir, pas trop tard. Rejette le somnifère, mieux résister que de m'y faire, le trou mieux en sortir que de m'y taire. La liberté ici a comme un coup de mitard. Yeah, acoustique, Masfareta, 9-3-2-3, faut le dire, faut le dire.